Elohim. Elohim, Elohim. Olam asah bagati ani. Elohim. Elohim. Sabagati ani. Oti kohami, ti kohami, ongishi yehela nene. Oh Elohi, Elohi, lawasa bagan. Oh Elohi. Souviens-toi de ta bonté et guéris ton corps blessé par le péché. Devant ton autel, je viens t'adorer. Toi le seul Dieu saint. viens t'adorer.